إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au point numéro 6 dans le livre de Rusul min al-Qur'an du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Et donc on va continuer. Et le titre de ce point ou de ce chapitre maintenant c'est At-Tawhid alladhi tuliba bihi al-Bashar, c'est-à-dire le Tawhid qui a été demandé de l'humanité. Donc c'est la définition de c'est quoi ce Tawhid qui nous a été demandé ni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence le Cheikh et il dit At-Tawhid al-Matloub huwa Tawhid al-Uluhiyya. ولهذا كان الرسل كلهم يبدأون دعوتهم لأقوامهم بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يدعون إلى توحيد الألوهية كما أخبر القرآن عنهم ذلك لأن توحيد الألوهية هو الذي تنكر له البشر واجتالتهم الشياطين عنه. Donc le Cheikh il dit que le tawhid qui est demandé de nous c'est le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est pour ce tawhid-là que tous les prophètes sont venus et ont été envoyés. Et ils ont toujours commencé leur da'wah, c'est-à-dire leur appel à leur peuple en disant « Adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucun ma'boud, aucun ilah. » En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez aucune divinité. Vous n'avez rien en dehors de lui qui mérite l'adoration. Donc, en disant une parole comme ça, ils appellent au tawhid al-uluhiyya. Comme ça a été expliqué et comme le Coran nous en informe. Et pourquoi? Parce que c'est ce tawhid-là, yani, que la plupart de l'humanité a rejeté et a cherché à renier. Hein? Et c'est ce tawhid-là que les shayatines essaient d'éloigner. C'est de ce tawhid que les shayatines, les diables parmi les êtres humains et parmi les djinns, essaient d'éloigner les hommes, yani, de son application. Et yani, là, comme on avait expliqué déjà, et là on va l'expliquer maintenant, le cheikh il va nous dire, et là on va comprendre encore plus c'est quoi la profondeur de cette signification de qu'est-ce que le cheikh explique. Il dit « Amma tawhid rububiyya fahuwa shay'un hasilun mawjoudun mustaqarrun fin nufus wa l'iqtisaru alayhi wa l'iqtifa'u bihi la yunjil abd wa la yudkhiluhu fi zamratil muwahidin al mu'minin wa lithalika qatala rasoolu sallallahu alayhi wa sallam kuffar quraish wa hum yuqirruna bi anna allaha huwa al-khaliqul raziqul mudabbir al-muhyil mumit » قاتلهم واستحل دماءهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Donc le Cheikh il dit en ce qui concerne tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout qu'est-ce qu'il a créé, ce tawhid-là, il est déjà présent, il est déjà établi dans les âmes des êtres humains. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de leur fitra, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Et s'ils essaient de le nier, c'est uniquement par arrogance, hein, et par fierté, et non pas parce qu'ils le rejettent réellement. Donc le cheikh il dit, de se limiter uniquement à ce tawhid là, c'est pas ça qui va sauver le serviteur, hein. C'est pas ça qui va le faire rentrer parmi les monothéistes croyants, hein, les muwahidin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a combattu les kuffars de Quraysh, hein, à son époque. Il les a combattus malgré qu'ils avaient déjà affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, le pourvoyeur, celui qui contrôle tout et qui donne la vie et qui donne la mort. Malgré ça, malgré qu'ils avaient déjà affirmé ça, eh bien, il les a combattus et il a rendu leur sang halal. Et yani, il les a combattus jusqu'à ce qu'ils témoignent du tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire du tawhid de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils abandonnent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que ce soit un ange, un être humain, un djinn, hein, un prophète, un saint, hein, toute autre chose, une étoile, le soleil, la lune, tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tant qu'ils n'ont pas abandonné toutes ces choses-là, eh bien il continuerait à les combattre, et c'est ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même, on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, hein, jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'ils l'ont dit, alors ils sont protégés contre moi dans leur sang et leur bien, excepté pour un droit, pour un de ces droits, c'est-à-dire un des droits de la ilaha illallah, wa hisabuhum ala Allah, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que yani, le fait d'avoir affirmé de la part de ces mushrikin au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait un seul Dieu unique et que c'était le créateur, eh bien ça les a pas protégés contre le fait que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les combattre. Pourquoi? Parce que ils ont continué à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont associé dans leur adoration d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal, et d'autres parmi les divinités qu'ils adoraient, hein. Et on sait qu'ils avaient environ 365 idoles qui étaient autour de la Kaaba et qu'ils adoraient et qu'ils prenaient comme intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait également qu'à l'origine, ces idoles étaient des hommes pieux ou des personnes qui avaient été vertueuses dans le passé. Et avec le temps, on avait pris des représentations de ces personnes pour servir d'intermédiaire, pour servir de représentation, pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été expliqué par Ibn Abbas, hein, dans l'histoire qu'il a expliqué au sujet de comment le shirk est apparu à l'époque du peuple de Noé, hein, le peuple de Nuh alayhi salam. Le cheikh dit: هذا دليل على أن المطلوب الأعظم من الخلق هو توحيد الألوهية، ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لأنهم مقرون بهذا، بل قال حتى يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit que on voit que ça c'est la plus grande importance du fait de témoigner, c'est de témoigner de al-uluhiyya, c'est-à-dire de témoigner que c'est seulement Allah qui mérite l'adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit on m'a ordonné ou on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, car ils étaient déjà en train d'affirmer ça à cette époque-là, hein. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plutôt dit jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, ou jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh par la suite il dit بيان أنواع التوحيد الثلاثة من القرآن. Donc l'explication des catégories de tawhid à partir du Coran. Donc là, qu'est-ce qu'il fait le cheikh maintenant? Il va donner des exemples pour prouver et pour démontrer que le Coran, que le tawhid qu'on étudie, qui est divisé en trois catégories, il est établi par la lecture du Coran, c'est-à-dire en lisant le Coran. D'accord? Et ça, c'est pour expliquer et pour affirmer qu'est-ce qu'on avait expliqué au dernier cours au sujet de la division des trois catégories de tawhid, et pour dire que ce n'était pas une convention que les savants avaient établie ou une terminologie inventée par les savants, mais c'était une division qui avait été établie directement dans le Coran, et on peut le comprendre en lisant le Coran lui-même. Donc le cheikh il dit سبق أن قلنا إنها مستقرأة من القرآن الكريم والآيات التي تؤخذ منها أنواع التوحيد الثلاثة كثيرة منها سورة الفاتحة وهي أول سورة في المصحف فيها أنواع التوحيد الثلاثة فقوله الحمد لله رب العالمين فيه توحيد الربوبية لأن الآية أثبتت ربوبية الله لجميع العالمين وهم كل ما سوى الله والرب هو الملك المدبر أو هو المالك المدبر. Donc le cheikh il dit que on a déjà expliqué que la lecture du Coran prouve que le tawhid se divise en trois catégories, et on va donner des exemples de ça. Premièrement, par exemple dans sourate al-Fatiha, et c'est la première sourate qu'on retrouve lorsqu'on ouvre le mushaf. Le cheikh il dit dans cette sourate il y a les trois catégories de tawhid. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, eh bien ça c'est une preuve pour établir tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire le tawhid ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa souveraineté. Parce que ce verset a établi que Allah subhanahu wa ta'ala est le Rabb, et le Seigneur, et qu'il est le souverain de tout l'univers. Ensuite, quand il dit Al-Alamin, Al-Alamin c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça on l'appelle Al-Alamin, c'est-à-dire les mondes. Et Ar-Rab c'est le maître, celui qui possède tout et qui organise toutes choses. Après, le cheikh il dit وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات لإثبات وصف الله في الآيتين بالرحمة والملك وإثبات أسمائه الرحمن الرحيم المالك وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد الألوهية لدلالة الآية على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la partie du verset dans sourate al-Fatiha où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le troisième et quatrième verset Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al-Din, dans ces versets là il y a la preuve du tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, parce que ces versets affirment l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la miséricorde et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain et le roi de l'univers et de tous les mondes. Et également il y a l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de Ar-Rahman, Ar-Rahim et Al-Malik, ça affirme les trois noms, et ces trois noms là à partir de leur signification on peut extraire de ces noms-là les deux attributs dont on a parlé, c'est-à-dire la miséricorde, Ar-Rahma, et Al-Mulk, et le domaine yani d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le maître de toutes choses et le roi de toutes choses. Wa qawluhu, yani, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu وإياك نستعين, eh bien il y a dans ça la preuve de, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié dans l'adoration, c'est-à-dire tawhid al-uluhiyya, la preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas dans ce verset-là na'buduka wa nasta'inu bika, mais il fait précéder iyyaka na'budu. Ça veut dire c'est uniquement toi que nous adorons et c'est uniquement toi de qui nous recherchons le support et l'aide. D'accord? Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça de cette façon-là, ça prouve que c'est pour spécifier que c'est uniquement à Allah qu'on demande l'aide et c'est uniquement lui qu'on adore. Et le cheikh dit l'idilalati al-aya ala wujubi ifradillahi ta'ala bil'ibadati wal-isti'ana. Donc parce que ce verset prouve qu'on doit juste chercher l'aide et le support et on doit uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve qu'il y a tawhid al-ubudiyya ou tawhid al-ibada ou al-uluhiyya dans surat al-fatiha. Donc on a déjà mentionné les trois catégories de tawhid qui sont présentes dans surat al-fatiha. Après le cheikh dit wa kadhalika surat al-nas wa hiya akhir surat surat fi al-mushaf fiha anwa' al-thalath al-tawhid al-thalatha. Donc le cheikh il dit de même que dans surat al-Nas et c'est la dernière surah qu'on retrouve dans le Mus'haf, il y a la preuve dans cette surah des trois catégories de tawhid également. Et donc si on observe ça maintenant en méditant sur ce sens, qu'est-ce que ça signifie, ça nous donne une grande signification, parce que on voit que la première surah par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala commence ou débute le mushaf et la dernière surah par laquelle il termine le mushaf, ces deux surahs expliquent les trois catégories de tawhid et donnent des preuves et des exemples. Donc ça nous donne une petite indice de l'importance du tawhid dans l'islam et que c'est la plus grande importance dans cette religion. Et le cheikh il continue et il dit قوله فقوله قل أعوذ برب الناس هذا توحيد الربوبية مالك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات إله الناس هذا توحيد الألوهية. Donc le cheikh il dit que dans ce verset de surat al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit je cherche le refuge en le Seigneur des hommes, ça c'est la preuve du tawhid al-rububiyya, parce que Allah dit bi rabbin nas, donc il est Rabb, le seigneur des hommes, le souverain des hommes. Malikin nas, il est al-malik, ça c'est la preuve d'un de ses noms et de ses attributs, d'un de ses attributs également. Donc il y a la preuve dans ce verset là également du tawhid al-asma et al-sifat. Et ilahin nas, ça c'est la preuve qu'il est celui que les humains adorent ou que les hommes adorent. Et ça c'est la preuve du tawhid al-uluhiyya et que c'est Allah seul que l'humanité doit adorer. Après le cheikh il dit wa kadhalika awwal nida'in fil mushaf huwa fi naw'i at-tawhid wa dhalika fi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc ça c'est le verset dans sourate al-Baqara dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Le cheikh il dit ça c'est la première appel dans le mushaf. Premier appel qu'on retrouve, c'est de Ya ayyuhan nas. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle et il s'adresse à l'humanité. Et ça, c'est le premier nida dans le mushaf, dans le Coran. Lorsqu'on ouvre le mushaf, c'est le premier nida qui arrive si on commence à partir du début du mushaf. Et dans ce nida, il y a l'épreuve de deux catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya. Et là, le cheikh, il va l'expliquer. Le verset dit, « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous, dans le but que vous atteigniez à taqwa, hein, que vous atteigniez la piété. Celui qui a créé, qui a fait pour vous la terre comme un tapis, hein, comme un tapis, et le ciel au-dessus de vous comme une construction, et qui a fait descendre la pluie sur la terre, et qui a fait sortir de celle-ci toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux, hein, dans l'adoration, alors que vous savez. D'accord. Et le cheikh dit, لما ذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس الثلاثة المؤمنون المؤمنين والكافرين والمنافقين وجه عباده نحو الاهتداء بهداية القرآن فأعقب ذلك بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا هو نداء عام لكافة الخلق لأمرهم جميعا بإفراد الله بالعبادة وعدم إشراك أي أحد معه وهذا هو توحيد الألوهية. نعم. Donc le cheikh dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué les trois catégories parmi les êtres humains ou parmi les hommes, hein, dans sourate al-Baqarah, lorsqu'on commence le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les trois catégories d'êtres humains qui existent par rapport à la foi, par rapport à leur position vis-à-vis de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. Donc il commence par parler des mu'minin, des croyants, hein. Dhalika al-kitab la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghayb ila akhirih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il commence en expliquant c'est quoi les caractéristiques des muttaqin et c'est quoi les articles de la foi. Ensuite, il parle des kuffar. Hein, il dit inna alladhina kafaru, hein, ceux qui ont mécru, sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hein, ceux qui ont mécru, ça leur est égal que ça, c'est égal que tu leur sawa'un 'alayhim anzartahum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Donc ça c'est la partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala parle des caractéristiques des kuffars. Et puis par la suite, hein, Allah subhanahu wa ta'ala commence à expliquer les munafiqin, c'est la troisième catégorie, hein. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Hein, donc il parle d'une troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui disent avec la bouche « nous croyons », mais en réalité ils ne sont pas croyants. Donc ça c'est la troisième des catégories parmi les êtres humains, c'est les munafiqin, les gens qui prétendent avoir la foi et qui ne croient pas réellement. Donc après avoir mentionné ces trois catégories-là, tout de suite après Allah subhanahu wa ta'ala commence et il s'adresse à l'humanité en entier. Hein, il dit, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Hein, donc c'est un appel, il s'adresse d'un discours ou d'une parole qui se dirige à toute la création, à tous les êtres humains, hein, tous les hommes, et non seulement aux croyants en particulier, il s'adresse à toute l'humanité. Et il leur ordonne ou il les commande à tous d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de ne pas associer avec lui personne. Et ça c'est la signification du tawhid al-uluhiyya. ثم جاء بتوحيد الربوبية دليلا عليه فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أليست هذه أفعال الله جل وعلا وهذا توحيد الربوبية ذكره سبحانه وتعالى دليلا على توحيد الألوهية وبرهانا عليه فكما أنه يفعل هذه الأشياء وحده فإنه لا يستحق العبادة أحد غيره بل هي حق خالص له سبحانه. Le cheikh il dit, puis après avoir mentionné ça, après avoir appelé les hommes à adorer leur Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il établit la preuve du fait que les êtres humains doivent l'adorer lui seul, hein. Et la preuve de ça, c'est Tawhid al-Rububiyya, hein. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il utilise Tawhid al-Rububiyya comme une preuve pour établir Tawhid al-Uluhiyya, hein. Comme on va comprendre ça par la suite, parce que le chef va donner encore quelques exemples de ça. Il dit, c'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui étaient avant vous, pour que vous ayez at-taqwa, hein, pour que vous ayez la crainte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-taqwa, c'est-à-dire que vous faites ce qu'il vous ordonne pour vous protéger de son châtiment et vous éloignez de ce qu'il vous a interdit également dans le but de vous protéger de son châtiment. Donc c'est ça la signification de at-taqwa, hein. والذي جعل لكم الأرض فراشا, celui qui a fait de la terre pour vous comme un tapis. Et le ciel comme une construction qu'il a créée et qui a fait descendre du ciel une pluie. Et par cette pluie-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser sur la terre toutes sortes de fruits et toutes sortes de légumes et toutes sortes de subsistances qu'il a fait pousser pour vous, Yanni, et pour les créatures pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, le cheikh il dit, n'est-ce pas que ces choses-là sont les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça c'est la preuve qu'on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa souveraineté. Il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces choses-là. Il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, hein, quoi que ce soit. Il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle de quoi que ce soit, comme de faire tomber la pluie ou toute autre chose de ce genre. Ça, c'est les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Contrairement aux kuffar actuellement, qui essaient d'attribuer à la nature ou à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le déroulement des choses qui se produisent sur la terre. Comme par exemple, maintenant il y a les changements climatiques actuellement dans le monde. Donc là, ils essaient de faire croire à l'humanité que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ce qui se passe dans le climat et dans la nature, mais c'est la nature qui agit elle-même et qui est déréglée, etc. Donc pour la régler, il faut changer nos habitudes, il faut changer ci et ça. Donc ça c'est une forme de ta'til que ces gens-là sont en train de faire également, en essayant de nier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la pluie, qui contrôle la température, qui contrôle les vents, qui contrôle les ouragans et les tornades, qui contrôle les tremblements de terre, hein. Tout ce qui se produit dans l'univers, c'est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rien de ce qui se produit de ces choses-là peuvent se produire sans sa permission et sans sa volonté. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en contrôle de tout ça, hein. Et d'affirmer ou de croire que autre que Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle sur quoi que ce soit dans ces choses-là, dans ce qui est créé dans l'univers, hein, et ben c'est comme si il fait at-ta'til, il nie certaines des caractéristiques de ar-rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple pour vous donner pour vous faire comprendre un petit peu comment certains des malahida, les gens qui nient Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nie son existence ou bien il nie certaines de ses attributs ou de ses caractéristiques, eh bien ils essaient de nier ces choses-là. Et il y a des ulama qui ont clarifié ces choses-là également pour faire comprendre ça aux musulmans, parce qu'il y en a qui certains points les échappent, yani, lorsque ça concerne certaines de ces choses-là, à cause du fait que les kuffars, yani, les occidentaux parfois dans leur façon de parler de la nature et des choses d'un point de vue scientifique soi-disant, eh ben ils essaient en même temps de faire le ta'til, et certains musulmans ils ne s'en aperçoivent pas. Donc c'est ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le fait que c'est lui seul qui contrôle ces choses-là, hein. Donc étant donné que vous croyez, c'est-à-dire même les mouchtikins de Quraysh, ils croyaient que c'est Allah qui contrôlait ces choses-là, et la plupart des kuffars aujourd'hui, même les, si vous parlez avec des chrétiens, des juifs ou des gens d'autres religions, vous leur demandez mais qui est-ce qui contrôle le ciel, qui est-ce qui contrôle la pluie, qui est-ce qui dirige le monde, ils vont vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, ils continuent à prendre d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala comme objet d'adoration. Alors Allah subhanahu wa ta'ala utilise cet argument là pour leur dire, écoutez, vous dites que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul créateur et que c'est lui qui contrôle tout, qui fait tomber la pluie, qui fait vivre, qui fait mourir et tout ça, puis vous vous détournez de lui et vous prenez d'autres en dehors de lui comme étant des partenaires dans l'adoration. Ça c'est une contradiction, hein. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit que il faut qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qu'ils abandonnent tout ce qui est adoré en dehors de lui, hein, parce que l'adoration c'est son droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit ensuite, ذكر في هذه الآية نوعي التوحيد توحيد الألوهية لأنه المقصود الأعظم وذكر توحيد الربوبية دليلا على الألوهية ومستلزما له وأمر بذلك جميع الناس كما قال في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخبر أن هذين العالمين العالمين هذين العالمين العظيمين عالم الجن وعالم الإنس عالم الجن وعالم الإنس لم يخلق إلا للقيام بعبادة الله وإفراده بها وتوحيده في ألوهيته. Donc le cheikh il dit que dans ce verset il y a la preuve des deux catégories de tawhid, tawhid al-uluhiyya, parce que c'est le but ultime pour lequel on a été créé, et tawhid al-rububiyya. Et ça c'est, il dit que le tawhid al-rububiyya c'est la preuve pour al-uluhiyya et c'est impliqué par al-rububiyya. Et يعني توحيد الألوهية توحيد الربوبية implique توحيد الألوهية. C'est ça. Et Allah il a ordonné ça à toute l'humanité, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on a été créés nous ainsi que les djinns uniquement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça répond à certaines personnes qui pensent que le tawhid, yani on peut, c'est uniquement un sujet que qui est utile à discuter avec les musulmans, et que lorsqu'on parle à des non musulmans parmi les juifs ou des chrétiens ou des athées, eh ben on n'a pas besoin de leur parler des catégories de tawhid ou du tawhid, hein. Et cet exemple là ça m'est arrivé en discutant avec certains frères, et Annie, j'ai rencontré certains frères qui voulaient discuter avec certains non-musulmans, des chrétiens, des juifs qui sont à leur travail pour les appeler à l'islam. Alors moi je lui ai donné un livre sur le tawhid, hein, et la personne m'a ramené le livre par la suite et il m'a dit, ben ce livre là il est bien mais pas le tawhid, ça c'est bon pour les musulmans, pas pour les kuffars, yani. Donc je lui ai dit, subhanallah, yani, est-ce que tu penses que le tawhid c'est uniquement une chose qui a été révélée aux musulmans seulement? Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le tawhid à tous les messagers de l'humanité. Et même si les chrétiens et les juifs aujourd'hui commettent des actes de shirk et contredisent le message des messagers, eh bien à la base tous les messagers ont appelé au tawhid, et il reste encore aujourd'hui, même actuellement dans leur livre, des preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans al-rububiyya et dans al-uluhiyya. D'accord? Donc c'est possible de leur faire comprendre, parce que il y a des formes de shirk dans les gens qui suivent ces religions là que ce soit n'importe quelle religion, vous allez trouver que il y a dans leur religion une forme quelconque de shirk, que ce soit dans al-rububiyya, que ce soit dans al-uluhiyya, ou que ce soit dans al-asma wa sifat. Il y aura quand même une forme de shirk que vous allez trouver dans ces religions-là. Si vous regardez par exemple chez les chrétiens, vous allez en trouver, chez les hindous, vous allez en trouver, et c'est ça qui fait la distinction entre l'islam et les autres religions. Hein? Et on peut dire que la différence la plus fondamentale, c'est que ces gens-là, ils prennent pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala ou pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et des intercesseurs pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'islam appelle l'humanité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça c'est Tawhid al-Uluhiyya dans l'islam qui est affirmé. Et quand tu discutes avec ces gens-là qui sont dans d'autres croyances et d'autres religions, tu peux leur faire comprendre qu'ils sont dans une contradiction du fait qu'ils appellent et qu'ils adorent en dehors d'Allah d'autres que Allah, et ça c'est en contradiction avec le message fondamental de leur prophète, hein? Et ça ils ne peuvent pas le nier. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Également, un autre exemple de shirk qu'ils commettent, c'est qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de la création ou des caractéristiques de la création ou de la créature. Donc ça c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat. Ou bien ils font le contraire, ils attribuent à la création, ils donnent à la création ou à la créature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une autre forme de shirk. Et ces formes de shirk là, vous les trouvez à l'intérieur de la umma parmi les firaq qui ont dévié de l'islam, hein, parmi les gens de Béda et les gens qui sont tombés dans le shirk parmi les musulmans, vous les trouvez, et vous les trouvez également dans les religions des autres peuples qui sont venus auparavant, c'est-à-dire avant l'islam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut toujours utiliser les arguments du tawhid avec peu importe quelle sorte de mushrik, quelle sorte de kafir on discute. Hein? Et les arguments du tawhid sont les plus puissants. Et en lisant le Coran, vous allez en trouver d'énormes quantités, yani, et on va en mentionner encore, inshallah. Le cheikh, il dit par la suite, ثم نهى عن الشرك في آخرها فقال فلا تجعلوا لله أندادا. يعني الله سبحانه وتعالى à la fin de ce verset dans sourate al-Baqara qu'on a commencé à expliquer, à la fin de ce verset là il interdit le shirk, il interdit à l'humanité de commettre le shirk, c'est-à-dire d'offrir une forme d'adoration ou d'adorer autre en dehors d'Allah ou avec Allah سبحانه وتعالى. Et il dit, et alors ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, alors que vous savez. Le cheikh il dit, andadan, ça signifie ay shuraka, des associés. Andad, le mot andad, c'est des shuraka. C'est le andad, c'est le pluriel de nid. Hein? Et le cheikh il dit que ce sont des partenaires, hein? Des associés, des partenaires. تُصْرِفُونَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ. Vous leur offrez, hein, vous leur détournez une forme de quelconque d'adoration. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَتِهِ يُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنْزَالِ الْمَطَرِ وَإِنْبَاتِ النَّبَاتِ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ فَكَيْفَ تُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ. Donc le cheikh il dit, alors que vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, c'est lui qui a vous savez qu'il n'a pas de partenaire dans son rububiyya, hein? Il n'a pas de partenaire dans sa souveraineté, personne ne participe avec lui à la création des cieux et de la terre, à faire tomber la pluie ou à faire pousser les plantes. Alors puisque vous savez ça, puisque vous savez qu'il n'a pas de partenaire dans Ar-Rububiyya, alors pourquoi vous lui donnez des partenaires dans Al-Uluhiyya, hein? Puisque vous ne lui donnez pas des partenaires dans sa souveraineté, pourquoi alors vous lui donnez des partenaires dans l'adoration? Ça c'est une contradiction. Antum ta'lamun annahu la ahadun yushariku Allah. Vous savez qu'il n'y a rien, personne qui participe avec Allah ou qui est partenaire avec Allah dans toutes ces choses. Alors comment vous pouvez adorer autre que lui et lui donner des associés dans l'adoration. قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. Allah سبحانه وتعالى il dit, et votre Seigneur, votre divinité est une divinité unique. Hein? Celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah سبحانه وتعالى. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. هذا في توحيد الألوهية والإله معناه المعبود والألوهية العبادة والحب ومعنى الآية معبودكم بحق معبود واحد لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne un autre verset et ce verset là dit que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ilahukum ilahun wahid, c'est-à-dire votre divinité est une divinité unique et rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et ça c'est tawhid al-uluhiyya et al-ilah en arabe, le mot ilah, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a rien, al-ilah ça signifie al-ma'bud, c'est-à-dire tout ce qui est adoré dans, par les humains, on appelle ça un ilah, ok, un ilah. C'est-à-dire tout ce qui est adoré par l'humanité, que ce soit vrai ou faux, que ce soit quelque chose qui est adoré en vérité ou qui est adoré en fausseté, eh bien on l'appelle ilah. C'est ça qui, ça c'est important à comprendre parce que beaucoup de gens comprennent pas bien ce point-là. Donc quand on dit la ilah, c'est-à-dire il y a rien parmi les choses qui sont adorées par les êtres humains, que ce soit des idoles, des statues, des images, des hommes, des prophètes, des messagers, des saints, des anges, ou toute autre chose, parmi toutes ces formes de choses qui sont adorées par l'humanité, il n'y en a aucune d'entre elles qui mérite réellement d'être adorée, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils adorent, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des aliha. Aliha, c'est quoi? C'est le pluriel de ilah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il y a des aliha dans la création. Il y a des choses dans la création qui sont adorées, en dehors que lui. Il dit, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ces aliha. Il a décrit ces formes de divinité qui sont adorées en dehors de lui. Il dit, لَا يَخْلُقُونَ. Elle ne crée rien. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Elle ne crée rien, ces divinités-là. Et elles sont elles-mêmes créées. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Et elle ne possède pour elle-même ni de faire du bien ni de nuire. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Et elle ne possède non plus ni la capacité de faire mourir ni la capacité de faire vivre, et elle ne possède pas non plus la capacité de faire ressusciter les morts. Donc, ces idoles-là, si c'est ça leurs caractéristiques et leurs attributs, alors elles ne méritent pas du tout d'être adorées. Et elles ne méritent pas du tout d'être des aliha. Donc, il y a ilah al-haq, le vrai ilah, al-ma'bud al-haq, celui qui mérite réellement d'être adoré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et il y a al-aliha, al-batila, les fausses divinités, qui sont toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont adorées par la création ou par les êtres humains. Et le fait que ces fausses divinités-là ne méritent pas l'adoration, c'est qu'elles ne possèdent pas les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré parce que c'est lui seul qui possède toutes les attributs de la divinité et toutes les attributs de perfection. D'accord? Donc je pense que là c'est un peu plus clair maintenant et ça nous fait comprendre réellement un point fondamental à comprendre dans la question du tawhid. Et le cheikh il dit par la suite, وَقَوْلُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هَذَا دَاخِلٌ فِي تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ إذ فيه إثبات اسمين لله وإثبات صفة الرحمة. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim, dans le verset Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit ça rentre dans Tawhid al-Asma'i wa Sifat, parce qu'il y a l'affirmation de deux parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman et Ar-Rahim, et il y a l'affirmation de l'attribut, de la signification de ces deux noms-là, qui est Ar-Rahma. D'accord? Et après le Cheikh il dit un autre verset qui donne un exemple de l'exemple de, pour affirmer al-uluhiyya par al-rububiyya, et il donne un exemple de ça, il dit wa qawluhu inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar wal-fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذا في توحيد الربوبية ذكره الله دليلا وبرهانا على توحيد الألوهية ولذا أخبر أن في ذلك آيات أي دلالات دلالات وبراهين على استحقاق الله للعبادة دون غيره. Donc le verset dans sourate Al-Baqara, le verset 164, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il y a certes des signes, des signes pour ceux qui réfléchissent dans la création des cieux et de la terre, et dans le fait que la nuit et le jour se suivent l'un après l'autre, et dans le fait que des bateaux, ils sont capables de voguer sur la mer avec toutes sortes de biens qui sont profitables pour les hommes, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre de la pluie du ciel pour faire revivre la terre après qu'elle soit sèche et morte, Allah subhanahu wa ta'ala a fait répandre sur cette terre toutes sortes de créatures et de bêtes, des animaux et toutes sortes de choses de ce genre, et le fait qu'il fait qu'il contrôle le vent et qu'il pousse les nuages qui sont entre les cieux et la terre. Dans toutes ces choses-là, il y a des preuves pour ceux qui réfléchissent. Et le Cheikh dit, et ça c'est pour établir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il établit l'unicité dans sa souveraineté, le fait que c'est lui qui contrôle toutes ces choses-là, et il le mentionne comme une preuve pour montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui mérite al-uluhiyya, c'est-à-dire tawhid al-uluhiyya. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. ولذا أخبر في أخبر أن في ذلك آيات. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que il y a dans ça des signes pour ceux qui réfléchissent. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent, et il y a dans cela des preuves pour ceux qui réfléchissent que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. C'est ça que signifie le verset. C'est comme si Allah, il te montre toutes ces choses-là qu'il contrôle et qu'il possède pour te montrer que c'est lui seul qui est le maître de toutes ces choses-là. Donc, si tu as cru en ça et si tu réfléchis réellement, eh bien, tu dois lui vouer un culte exclusif. Tu dois l'adorer lui seul, parce que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui contrôle le monde. Et c'est pour ça que vous connaissez sûrement l'exemple de Ibrahim lorsqu'il est arrivé devant Nimrod, et il lui a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc Nimrod a voulu faire son malin, et il a dit, moi aussi je contrôle la vie et la mort. Il a fait venir un prisonnier ou deux personnes, deux esclaves, je sais pas quoi. Il en a tué un et il a fait vivre l'autre. Il a laissé l'autre vivre. Donc il a dit, regarde, moi aussi je peux faire ça. Il a voulu faire son malin. Alors qu'il savait très bien de quoi Ibrahim parlait. C'est-à-dire que c'est Allah qui fait vivre et qui fait mourir à volonté. C'est pas comme lui qui peut faire mourir quelqu'un, mais après qu'il est mort, il peut pas le faire revivre, Donc, ça c'était déjà une choubha. Nimrod, il voulait faire son malin avec Ibrahim. Mais par la suite, Ibrahim lui a donné un argument et une réponse que Nimrod ne pouvait jamais essayer de nier ou d'essayer de ramener une ruse encore une fois pour répondre. Il lui a dit, Inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq, fa'ti biha min al-maghrib, fa'buhita alladhi kafar. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait venir le soleil de l'est, il fait lever le soleil à l'est. Alors fais-le venir toi à l'ouest. Alors, Nimrod a été bouche bée, il n'a pas été capable de répondre encore une fois. Et ça, c'est une preuve de Ar-Rububiyya, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Rab, c'est lui qui contrôle les astres, et qui contrôle les choses dans le ciel et dans la terre et partout. Donc, si tu penses que c'est toi qui peux avoir un contrôle, quoi que ce soit, alors si tu penses ça, dans ce cas-là, Yanni, essaie de faire ça. Essaie de faire lever le soleil à l'ouest et il n'est pas capable. Donc ça montre que c'était pas que Nimrod n'est pas arabe et qu'il doit se soumettre à celui qui est réellement arabe. Hein? Après le cheikh il dit Fafi hadhihi al-aya aqsam al-tawhid al-thalatha wa hakadha tajiduha mutajawiratun fil Qur'an al-Karim. Donc le cheikh il dit dans ce verset là qu'on vient de mentionner dans sourate al-Baqarah également il y a l'épreuve des trois formes des trois catégories de tawhid. Et si tu lis comme il faut le Coran, lorsque tu lis le Coran, médite là-dessus et essaie de réfléchir sur ça et essaie de trouver les catégories de tawhid lorsque vous lisez des versets et vous allez être capable d'en trouver beaucoup à partir des exemples qu'on vient de donner et ça va vous donner une meilleure compréhension du tawhid et une meilleure compréhension du Coran également. Hein? Et le cheikh il dit al-hikmatu fi taqrir al-Qur'an. Al-hikmatu min taqrir al-Qur'an li tawhid ar-rububiyya. Na'am. Donc OK. Le cheikh il dit wal-Qur'an innama yadhkuru tawhid ar-rububiyya ma'a anna al-kuffar muqirruna bihi min ajli an yubayyin dilalatahu. ويقيمه برهانا على توحيد الألوهية فيحتج عليهم بما أقروا به من باب الإلزام لهم كيف تقرون لله بالربوبية ولا تقرون له بالألوهية والعبودية. Donc le cheikh il résume maintenant et il dit la sagesse dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a établi le tawhid al-rububiyya. Hein? Le tawhid al-rububiyya, on a dit déjà que la plupart des kuffars, ils l'admettent. Alors pourquoi? C'est quoi la sagesse d'en parler dans le Coran? Eh bien, le cheikh, il dit qu'il en parle uniquement pour établir la preuve contre les mushrikines. Hein? Dans le sens de dire, ok, si vous croyez en al-rububiyya, alors comment vous pouvez contredire et ne pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala al-ubudiyya, c'est-à-dire que il doit uniquement, c'est lui seul qui doit être adoré. كيف تصرفون العبادة لمن لا يشارك الله في شيء من مخلوقاته هذا من التناقض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Donc le cheikh il mentionne maintenant des exemples dans le Coran de ça. Il dit comment vous pouvez donner l'adoration à autre que Allah, à celui qui ne partage pas quoi que ce soit dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une contradiction et il mentionne des versets, par exemple le verset 4 dans sourate Al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit n'avez-vous pas vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé des cieux. Est-ce qu'ils ont une partie, est-ce qu'ils possèdent quelque chose, une partie de quelque chose dans les cieux? Amenez-moi une preuve d'un livre quelconque avant celui-ci, ou bien une trace de science si vous êtes véridique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur mentionne le fait que, regardez ce que vous adorez, regardez vos idoles, regardez vos morts, les saints, les awliyas que vous invoquez, regardez toutes ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ceux-là ont créé quoi que ce soit dans l'univers? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui leur appartient en dehors d'Allah, que ce soit dans la terre ou dans les cieux? Rien, rien leur appartient. Hein? Et après, il mentionne un autre verset qui dit voici la création d'Allah. C'est dans Sourate Luqman, verset 11. Voici la création d'Allah. Alors montrez-moi qu'est-ce que les autres en dehors de lui ont créé. Montrez-moi qu'est-ce que les autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ont créé. Rien. Hein? Donc pourquoi vous les adorez? Et après, dans un autre verset, dans Sourate Al-Hajj, le verset 73, Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous les hommes, on vous a établi une parabole, alors écoutez-la. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent même pas créer une mouche, même s'ils se rassemblaient pour la faire. Hein? Même s'ils s'unissaient tous ensemble pour essayer de la créer, ils ne seraient même pas capables de créer une mouche. Subhanallah. Hein? Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est une preuve énorme, Yanni, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rabb. Et si la mouche leur enlevait quoi que ce soit, eh bien ils ne seraient même pas capables de reprendre à la mouche ce que la mouche avait pris. Hein? Et donc ça montre la faiblesse de la personne qui demande et qui demande à l'idole et la faiblesse de la personne qui demande et la faiblesse de la personne à qui elle demande ou de l'idole à qui elle demande. Et le cheikh il explique, il dit لو سلط الله عليهم الذباب ما استطاعوا أن ينتصروا لأنفسهم منه والذباب أضعف شيء فلو سلط الله الذباب والبعوض على الناس ما استطاعوا أن يتخلصوا منه ويقتلون منه ما يقتلون ثم يكثر عليهم ويغمرهم. Hein? Ça c'est vrai, ça, subhanallah. Si on réfléchit là-dessus, c'est incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit si Allah il aurait mis contre nous les mouches sur la terre, subhanallah, on n'aurait même pas été capable de nous protéger contre elles et de gagner contre elles. Hein? On n'aurait même pas pu gagner contre la mouche parce qu'il y en a trop. Et donc, alors que malgré que la mouche est une des plus faibles parmi les créatures, hein? Mais si elles se mettent toutes contre nous, on est fini. Allez, on n'a plus rien, on peut plus rien faire pour se protéger de ces mouches-là. Et le cheikh dit donc, si Allah subhanahu wa ta'ala avait mis les mouches et les moustiques contre les hommes n'auraient pas été capables de s'en protéger. Ils auraient pu en tuer, ils en auraient tué une partie, mais par la suite, il y en aurait tellement qu'on pourrait plus rien faire pour s'en protéger. Et le cheikh il dit pour qu'il al ma'na, d'autres ont dit que la signification est ان لو ان الذباب اخذ شيئا مما على الصنم من الطيب والزينات التي يجعلونها عليه فان الصنم لا يستطيع ان يسترد ما اخذه الذباب منه. Ça c'est vrai, ça aussi, subhanallah. Hein? On dit si la signification de ce verset, d'autres ont dit que ça veut dire que si la mouche prenait quoi que ce soit de ce qu'ils ont offert à leurs idoles, que ce soit les parfums ou quelque chose quelconque parmi les décorations qu'ils ont mis dessus, eh bien l'idole elle serait même pas capable de reprendre rien de qu'est-ce que la mouche a volé ou de qu'est-ce que la mouche a pris. Hein? Et ça c'est la vérité, subhanallah. Moi, je me souviens, je suis entré dans des magasins des bouddhistes. Et dans leurs magasins, ils mettent devant la porte ou à l'entrée une statue, une ou plusieurs statues de Bouddha ou d'une de leurs idoles. Et devant cette idole, ils mettent des petits verres avec du riz, du thé. Ils mettent parfois un peu d'argent, ils mettent un fruit. Hein. Chaque matin en entrant, eh ben, ils posent un encens, ils posent quelques trucs à côté, des nourritures et tout ça. Et puis là, ils pensent qu'en faisant ça, ça va amener de la bénédiction dans leur journée, puis ils vont avoir des grâces à cause de ça. Hein? Subhanallah. Donc, à chaque fois que je vois ça, je suis toujours étonné. Et souvent, ça m'est arrivé, je suis allé les voir, je leur ai dit, mais pourquoi vous mettez ces choses-là? Est-ce que vous pensez qu'elles vont le manger? Yani, subhanallah, elles ne peuvent pas le manger. Elles sont pas vivantes, hein? Elles ne peuvent pas manger, ils le savent. Mais c'est ça l'égarement. C'est ça l'égarement, subhanallah. Donc, si la mouche vient sur la nourriture qu'ils ont mis là, et que la mouche prend une partie de la nourriture qu'ils ont mis, ou qui boit un peu du thé, ou quelque chose de ce genre, eh bien, personne est capable d'en reprendre qu'est-ce que la mouche a pris. Donc, ça montre la faiblesse de ces idoles, que ces idoles-là ne peuvent rien faire, même pour elles-mêmes. Hein, c'est comme l'exemple d'un des mouchriquines, il a dit, quand il a expliqué pourquoi il a accepté l'islam, il a dit, mais j'ai vu que là où on a mis les idoles, il y a un chien qui est entré. Et puis, il est entré, il a uriné sur la statue. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai couru après le chien pour le chasser. J'étais en colère contre le chien. Puis, par la suite, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, subhanallah, comment celui-là, on l'adore, on adore cette idole ou cette statue, et puis, il peut même pas se protéger lui-même contre un chien. Hein? Donc il a réalisé la stupidité de qu'est-ce qu'il faisait et il a cessé d'adorer ses idoles et il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, il a accepté l'islam. Donc on voit des exemples comme ça arrive souvent, hein? Des gens qui réfléchissent un peu et qui se rendent compte de l'absurdité du shirk, l'absurdité du shirk, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et la plupart de ces gens-là qui adorent des choses en dehors d'Allah, ils le savent. Ils savent que tout ça n'a aucune signification, aucun sens. Mais parfois, une des shubuhat qu'ils utilisent, c'est la shubha de dire qu'on n'adore pas cette idole-là elle-même. Cette statue, on sait qu'elle n'a pas de pouvoir. Sauf que on adore Dieu qui est présent dans toute chose et dans cette statue. Hein? Ça, c'est un peu comme la croyance des gens qui disent, par exemple, parmi les soufis, hein, que Dieu est dans tout, que tout est Allah, que Allah est tout. Ça, c'est la croyance de Ibn Arabi, le soufi. Hein, celui qui croit en Wahdatul Wujud. Donc, ça, c'est l'exemple de ces gens-là. Hein, subhanallah. Ils adorent la création, et c'est ça leur shubha. Donc, ça, c'est l'égarement total. Donc il mélange les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs du Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle également le panthéisme. Hein? Tu dis que tout ce qui existe c'est Dieu et Dieu est tout. Hein? Donc ceux qui disent ça en réalité, ils n'ont pas affirmé aucune différence, aucune distinction entre le Créateur et la créature. Hein? Donc ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont nié son existence distincte. Ils ne sont plus capables de distinguer qui est le créateur, qui est la créature. Donc ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon indirecte. Hein? Et même on pourrait dire même direct. Hein? Donc ça c'est des koufars, c'est des mushrikines, ceux qui croient en cette idée-là. Yani. Donc Allah c'est Allah, le créateur c'est le créateur, et la créature c'est la créature. Et il n'y a pas de mélange entre les deux. Hein? C'est pour ça qu'on dit Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, qu'il est au-delà de sa création, au-delà de son trône, hein, ba'inun min khalqi, il est séparé de sa création. Il n'y a rien de sa création qui est en lui, et rien de lui qui est en sa création. D'accord? Ça, c'est un des fondements de notre aqidah, hein. Et c'est ça qui nous protège de tomber dans cette shubha des mushrikin, hein. Na'am. Donc, le shaykh, il dit, ضعف الطالب والمطلوب, c'est-à-dire ضعف الطالب, c'est-à-dire le mushrik, hein, le mushrik, on voit la faiblesse du mushrik, wal matloub, c'est-à-dire de l'idole. Donc on voit la faiblesse du mushrik et la faiblesse de l'idole, de ce qui est adoré. Et le shirk, contrairement à ce que pensent certains des gens de Bid'a aujourd'hui, ils pensent que le shirk c'est uniquement d'adorer des idoles. Et le shirk en réalité, des idoles, d'adorer les idoles, c'est une des formes de shirk. Hein? Alors que la réalité du shirk, c'est d'offrir à autre que Allah une forme d'adoration quelconque, que ce soit une idole ou autre qu'une idole. C'est pas obligé que ce soit uniquement une idole. Ça peut être un être humain, ça peut être un djinn, ça peut être un arbre, ça peut être quoi que ce soit parmi les créatures d'Allah. Donc c'est pas uniquement que c'est, il faut que ce soit une idole, comme par exemple au temps de Quraysh, hein, comme certains pensent, ils disent, ah mais nous on n'adore pas une idole, on adore pas une idole, on évoque seulement les morts et les saints parmi les salihin et les awliya, et on leur demande shafa'a. Donc ça c'est une shubha, parce qu'en réalité c'est pas seulement l'adoration des idoles qui est shirk, mais l'adoration de toute chose en dehors d'Allah est shirk. D'accord. Après il dit وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ تُجْعَلْ هَذِهِ الشُّرَكَ لِلَّهِ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أين العقول أين الأفهام نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, si c'est ça le cas, comment on peut alors donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, le fort, le puissant, celui qui a rien qui le rend incapable de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir sur tout, subhanahu wa ta'ala. Où sont les raisons? Où sont la compréhension des gens? Où sont la raison des gens? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Après, maintenant il est 11h42, donc on va finir dans quelques minutes, environ 15 minutes encore, inshallah. Puis après on arrête, inshallah. Donc le cheikh il dit التوحيد في آية نعم un instant ok طيب نعم le cheikh il dit التوحيد في آية الكرسي. Maintenant le cheikh l'explique, le توحيد dans آية الكرسي. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans آية الكرسي, le verset du Kursi dans Surat al-Baqarah, verset 255. Allah il dit الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل تشتمل على ربوبية الله وعبادته وعلى أسمائه وصفاته جمع الله فيها بين النفي والإثبات نفي النقائص والعيوب عنه وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il mentionne verset, c'est-à-dire surat, le verset Ayatul Kursi, il mentionne ça, il dit Allah, la signification rapprochée c'est Allah, nul ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-Hayyul Qayyum, le vivant, Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui, Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aucune fatigue ni sommeil ne l'atteint. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Qui pourra intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Et il ne possède de la connaissance, de sa connaissance, une enveloppe de sa connaissance que ce qu'il désire. C'est-à-dire, on ne peut savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire de la connaissance de ce qu'il nous donne. Yani. On ne peut pas connaître excepté ce qu'il nous apprend. واسع كرسيه السماوات والارض. La largesse de son kursi, hein, c'est les cieux et la terre. Et al-kursi, c'est pas le trône. Il y a des gens qui mélangent entre l'arche et al-kursi. Al-kursi, c'est pas la même chose que le trône. Al-kursi, dans la langue arabe, aujourd'hui on utilise kursi comme une chaise, hein, Et puis, pourtant, dans la langue arabe classique, ça a une autre signification. Al-Kursi, c'est le repose-pied, qui est à la base du trône. Donc, c'est ça dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Donc, la largesse du kursi, c'est les cieux et la terre. C'est la largeur des cieux et de la terre. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Et, yanis, rien ne le distrait de les préserver. Wa huwa al-aliyyul 'azim. Et c'est lui le très haut et le très grand. Cheikh dit hadhihi a'zamu ayatin fi kitabillah. C'est le plus grand verset dans tout le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il comprend toutes sortes de principes en ce qui concerne la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et également son adoration et ses noms et ses attributs. Donc ça établit les trois catégories de tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il a réuni entre le fait d'affirmer et de nier. C'est-à-dire il a nié toutes les imperfections et les faiblesses qui pourraient lui être attribuées et il a également affirmé toute la perfection de ses noms et de ses attributs. Et le cheikh il dit وَفِي أَوَّلِهَا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَةِ. Au début, il parle de الْأُلُوهِيَةِ, c'est-à-dire qu'il doit être adoré lui seul. Quand il dit Allahu la ilaha illahu, la ma'bouda bihaqqin illahu, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Puis il dit quelque chose qui a rapport avec tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid de la souveraineté. Quand il dit al-hayyul qayyum, c'est-à-dire le vivant est celui qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Ça, c'est un rapport avec al-rububiyya. وهذا فيه إثبات الحياة والقيومية لله. Et également, c'est l'affirmation de la vie et de al-qayyumiyya, c'est-à-dire que Allah est al-qayyum et à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on lui affirme ces choses-là, puisqu'il se l'est affirmé lui-même. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. Ça c'est la négation de la faiblesse et de l'imperfection, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fatigue ni de sommeil. Wa qawluhu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit souvent ça dans le Coran, quand il parle qu'il a créé les cieux et la terre en 7 jours, il dit wa ma massana min lughub. Donc ça veut dire quand il a fini de créer les cieux et la terre en 6 jours, et aucune fatigue ne l'a atteint. Et ça c'est pour réfuter les juifs qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala la fatigue en disant qu'il s'est reposé le 7e jour. Ça, c'est un mensonge de leur part. Après, le cheikh dit وَقَوْلُهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. À lui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. هَذَا إِثْبَاتٌ لِرُبُوبِيَتِهِ. Ça affirme sa souveraineté, la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les cieux et sur la terre. Et sur tout ce qui est avec dans ces deux choses-là. Wa qawluhu man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ça c'est une négation et Allah subhanahu wa ta'ala il nie dans ce verset-là que quiconque puisse intercéder auprès de lui sans sa permission. Contrairement aux intercessions des créatures entre elles. Créatures entre elles, quelqu'un toi tu peux aller intercéder auprès de quelqu'un sans sa permission. Parce que c'est une créature. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même chose. Personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté que c'est lui qui l'a voulu, qui l'a permis. C'est lui seul qui peut le permettre. S'il ne le permet pas, on ne peut pas intercéder. Et on peut uniquement intercéder pour les personnes que lui a choisies, qu'il a agréées. Donc, ça c'est la distinction. Et donc, ça c'est une négation. Et le cheikh il dit ça montre la perfection de sa grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, wa anna ahadan la yajra'u an yashfa'a 'indahu illa bi'iznihi. Personne ne peut oser intercéder auprès de lui excepté avec sa permission. Wa qawluhu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. هذا إثبات فيه إثبات كمال العلم لله عز وجل يعلم كل شيء الماضي والحاضر والمستقبل ولا يخفى عليه شيء علمه شامل محيط. Ça c'est pour établir qu'il connaît tout ce qui est devant eux et derrière eux. Ça c'est pour affirmer que il a la parfaite connaissance de toutes choses. Il sait toutes choses, le passé, le présent et l'avenir. Et rien ne lui échappe. Et sa connaissance est complète et totale et enveloppe toutes choses. وقوله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. La signification de et il n'enveloppe de sa connaissance rien excepté ce qu'il a voulu. Il dit que ça c'est une négation et Allah par cela a nié que la créature pourrait connaître quoi que ce soit de la connaissance d'Allah excepté ce qu'il leur a permis de savoir. وإلا فإنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. Sinon personne ne connaît quoi que ce soit de l'invisible et uniquement c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît al-ghayb. Personne en dehors d'Allah connaît al-ghayb. Donc ça c'est une des caractéristiques d'Allah, ça fait partie de al-asma wa sifat. Si quelqu'un prétend connaître quoi que ce soit du ghayb ou affirme ou attribue à une autre créature la connaissance de quoi que ce soit du ghayb, donc il a commis le shirk dans al-asma wa sifat. Et ça fait penser à l'exemple des soufis qui attribuent à leur awliya et à leur shuyukh la connaissance de certaines caractéristiques du ghayb, ou qui attribuent même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la connaissance du ghayb. Et ça, c'est shirk. On ne peut pas attribuer la connaissance du ghayb excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait connaître à certains de ses messagers des connaissances de certains aspects de l'invisible, mais pas tout. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Donc ça veut dire que c'est Allah qui est عَلِمُ الْغَيْبِ et personne ne peut connaître son ghaib, sa connaissance de l'invisible, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît le ghaib excepté Allah. Et il l'a manière tadam al rasoul, excepté celui qui l'a agréé parmi ses messagers. Il peut lui donner quelques connaissances de certains aspects du ghaib, mais ce n'est pas une connaissance totale comme certains peuvent croire. Et après il dit قوله واسع كرسيه السماوات والأرض. Le cheikh dit que lorsque Allah dit que la largesse du tronc du repose-pied c'est les cieux et la terre, il dit الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو مخلوق عظيم السماوات والأرض بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في فلاة وهي الصحراء الواسعة أو ترس وهو صحن كبير ما تكون سبعة دراهم في فلات أو في ترس فكرسي الله عز وجل أكبر من السماوات والأرض وهو غير العرش والعرش أعظم من الكرسي والكرسي في العرش إلا كحلقة حديد ألقيت في أرض فلا. Donc le cheikh dit que la largesse du repose-pied, c'est les cieux et la terre. Il dit, Al-Kursi, c'est une grande créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que la largeur des cieux et de la terre par rapport au Kursi, c'est comme des pièces de monnaie qu'on jette dans un grand désert. Sept pièces de monnaie qu'on jette dans le désert. Ça, c'est l'exemple des sept cieux par rapport à Al-Kursi. Donc c'est rien, et c'est vraiment les cieux et la terre sont vraiment petits par rapport au Kursi. Et le cheikh il dit que Al-Kursi il est plus grand que les cieux et la terre, et ce n'est pas Al-Arsh, ce n'est pas le trône est plus grand que le Kursi. Et le cheikh il dit le Kursi par rapport au trône c'est comme une bague qu'on jette dans le désert. Donc ça nous montre que Yani, subhanallah, le kursi est plus grand que les cieux et la terre, et le arsh est plus grand que le kursi. Donc ça veut dire que, subhanallah, ça c'est la grandeur de la création d'Allah. Le cheikh dit, هذا الكرسي فكيف بعرش الرحمن إذن فالمخلوقات بالنسبة لله صغيرة جدا ليست بشيء. Les créatures par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là ne sont rien, ils sont tout petites. وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي وسع السماوات والأرض وهو دون العرش فالله جل وعلا أعظم من كل شيء. Donc si c'est ça, le cheikh dit, donc si les créatures par rapport, si les créatures, une créature parmi les créatures d'Allah est plus grande que les cieux et la terre, et qu'il est plus petit que le arche, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est plus grand que toutes ces choses. Et yani, en même temps, on peut comprendre aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Et ils n'ont pas donné ou craint Allah ou respecté Allah comme il le mérite. Et les cieux et la terre ce jour-là ne feront qu'une poignée dans sa main. Les cieux et la terre ne feront qu'une poignée dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa main droite. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, là, comme Ibn Abbas a dit, si je me souviens bien, que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'univers, les cieux et la terre et tout ça, ça forme juste comme une poussière ou un grain de sable dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand. Huwa a'zam, Allahu akbar. Wa qawluhu la ya'uduhu hifzuhuma, ay la yashqu 'alayhi subhanahu wa ta'ala wa la yuthqiluhu wa la يكثره حفظ السماوات والأرض وحمايتهما من الفساد والتغيير وإمساكهما ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه رفع السماوات بغير عمد ترونها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى السماء والأرض ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي وليس محتاجا إلى المخلوقات وإنما مخلوقاته هي المحتاجة إليه تعالى. Donc dans ce verset là il explique un point important dans cette partie du verset qui dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas difficile pour lui, il n'y a rien qui est difficile ou lourd pour lui dans le fait de préserver et de garder les cieux et la terre, hein, et de les protéger de la destruction ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui tient les cieux et la terre, hein, et dans plusieurs versets il a affirmé ça. Allah il tient le ciel pour pas qu'il ne tombe sur la terre par sa permission. Donc c'est à dire c'est Allah qui retient les astres et qui retient le ciel et la terre pour pas que tout ça s'écrase, hein, sur la terre. Et il dit dans un autre verset qu'il a fait tenir les cieux sans aucun pilier qu'on peut voir avec les yeux. Et on a presque terminé. Le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il retient les cieux et la terre pour ne pas que les cieux et la terre tombent, et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin des cieux, il n'a pas besoin du arsh, il n'a pas besoin de la terre, il n'a pas besoin du kursi, hein, c'est pas Allah qui a besoin de ces choses là mais c'est les créatures qui ont besoin de lui, hein. Et ça répond à la shubha des gens de Bid'a parmi les Ahbash et les autres qui prétendent que d'affirmer l'arsh, qu'est Allah est au-delà de son trône, ça implique quelque chose d'imperfection, hein. Ils pensent que ça implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du arsh. Et non, c'est pas du tout ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du arsh. Et c'est pas l'arsh qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui supporte l'arsh et qui le retient. Donc ça c'est important de comprendre ça. Donc on va s'arrêter ici. Naam, barakallahu fik. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis on va continuer la semaine prochaine, bi'iznillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه innahu huwa al-ghafur rahim. Et là, moi, je me prépare pour partir pour Al-Jumu'ah, parce qu'ici à Montréal, il est midi. D'accord, donc ça m'a fait plaisir de m'adresser à vous encore une fois aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, zadana Allahu jami'an bil ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Qu'Allah nous augmente tous en bonne connaissance et en piété et en taqwa, et qu'il nous augmente en sagesse, inshallah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.